Where do you come from? What do you want to do with your life? I want to rock. I want to rock. Hein? Mesdames et messieurs, vous êtes de retour au Radioton de CKRL en direct de nos studios 405 3e Avenue. Mon nom est Jean-Sébastien Grondin et je vous animerai pendant la prochaine heure une Guerre du rock, volume 2. Bienvenue, qu'on lance les festivités. Alors public, vous êtes pas juste là pour me regarder. On applaudit. Et vous aussi à la maison, je vous ordonne d'applaudir dans votre salon. Alors, mesdames et messieurs, pour animer cette guerre du rock, j'ai avec moi un beau choix de panélistes. Probablement la crème de la crème des animateurs d'émissions rock sur notre programmation automne-hiver de 2017-2018. J'ai en ma compagnie François Simard de l'émission... non, c'est pas toi ça, François. Christy, t'as changé. T'as changé, mon gars. OK, qu'on me ramène, François. Non, c'est une blague. Nicolas Dumont, anciennement anciennement un bâtard, mais devenu un salopard. On en reparle plus tard. Jacques Dulac des Illusions auditives tous les samedis soirs. On a Éric Bédard, prescription punk rock. Hell yeah! Et on a également nos deux amis Jean-François et Marc de Terra Incognita tous les samedis soirs également pour finir avant de sombrer sur l'autoroute et s'endormir au volant. Chose à ne pas faire à la maison, mesdames et messieurs. Puis si vous voulez parler, ça prend des micros, les gars. On joue à la radio ce soir, d'accord? On fait pas comme... OK? Alors, sur ce, hey! Bienvenue parmi nous pour cette guerre du rock volume 2. Le concept est simple. Je vous pose des questions. Vous répondez au meilleur de vos connaissances. Et on en discute un peu de vos réponses. Et question d'agrémenter aussi vos réponses. On peut s'interchanger les micros. Question d'en discuter. On va faire un peu du rock and roll bullshit. On va parler d'anecdotes du rock. On va parler de vieux souvenirs. On va parler du rock tout azimut. Il va y avoir aussi des extraits musicaux que l'on va faire jouer au courant de l'émission. Et tout ça en bonne compagnie. Alors, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Oui! Êtes-vous prêts à la maison? Comme disait Ozzy Osbourne, I can't hear you! Alors, avant de commencer, il est de mon devoir de souhaiter bonne fête à Danny Fortin sur les ondes, notre directeur général. C'est sa fête cette semaine. Yeah! Et j'espère que le meilleur cadeau qu'on pourrait lui faire, c'est d'atteindre notre objectif de 42 000 $ et ce, jusqu'à dimanche, 20h, OK? Alors, sur ce, on est rendu à combien sur ce 42 000 $-là? Alors, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Vous pouvez le faire avec vos pieds, s'il vous plaît, par terre. Allons-y. Roulement de tambour. Hey, le public là, de blues, là, c'est dans une heure, le blues. OK, vous pouvez commencer là, à triper. Là. OK. Alors, on est rendu qu'on a ramassé en ce vendredi 6 avril 2018 à 19h. On est rendu au compte de 6 000 420 beaux dollars! Yeah! Alors, c'est un septième de la somme qu'on... Hein? 6 x 7, 42, je suis pas pire? J'ai pas perdu mes mathématiques. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on est rendu. On espère atteindre peut-être un petit 8 000 d'ici la prochaine heure. Si vous êtes généreux, faites votre don, dis-je, au www.ckrl.qc.ca ou autrement, vous pouvez nous appeler au 640-2575. Nos téléphonistes attendent vos appels. Ben, je dis téléphoniste, c'est pas nécessairement des filles. Là. On n'est pas binaire à CKRL. Il y a des gars aussi. Là. OK, bon, sur ce, êtes-vous prêts pour la guerre du rock? C'est parti, mesdames et messieurs. Première question. Où sont mes questions? Ils sont bien cachés dans la voûte. Ça nous prend les questions. On commence tranquillement, OK? Parce qu'on va y aller avec... avec une première section. Hey, ça commence déjà avec... ma première section s'appelle Les derniers jours du rock and roll. Oh! Ça m'est arrivé une fois, je me suis acheté un livre, ça s'appelle exactement ça. Et c'est un peu franchouillard. C'est écrit par un français, c'est très franchouillard. Désolé, Jessica, je t'aime de tout mon amour, même si t'es française. Mais quand les Français écrivent puis ils parlent du rock, c'est pas crédible. OK? Mais c'est pas grave. J'adore les Français, OK? Donc, ce livre-là, je l'ai lu au complet, mais c'est franchouillard. Mais c'est franchement bon, parce qu'on apprend plein de choses, dont celle-ci. Comment est décédé Jim Morrison? Avant de donner une réponse, j'ai des choix pour vous. Est-il mort d'une crise cardiaque? A. Est-il mort, B, d'une overdose d'héroïne? Ou C, il n'est pas mort, il a été vu la semaine dernière dans les environs de Paris-Gare de l'Est? Alors, allez-y pour un semblant de réponse. Et n'oubliez pas, si vous répondez pas, ça fait des blancs à la radio. Okay. Il est mort d'une crise cardiaque dans son bain en France. Ça, c'est selon la version de Oliver Stone dans le film du même nom, Les Doors. Selon toi, Nicolas Dumont, il serait mort de quoi? Ben, je vais dire la surdose d'héroïne. Pour une, surdose une surdose d'héroïne. Et vous, les progueux, là? Ben, pour nous autres, je pense que c'est la surdose d'héroïne. OK. Puis Jacques Dulac, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai croisé en rentrant tantôt. Tu l'as croisé en rentrant? Eh bien, dans ce fameux livre, Les derniers jours du rock'n'roll, on apprend que, justement, quelques heures avant de s'être retrouvé dans cette fameuse baignoire, comme c'est illustré dans le film d'Oliver Stone, il aurait fait une surdose d'héroïne dans une toilette, dans un bar quelconque, là, à Paris. Ouais! Donc, oui, la surdose d'héroïne est évidente. Et pour camoufler tout ça, question de préserver l'image du poète et sa figure mythique, ben, ils auraient camouflé un peu sa mort et fait croire un arrêt cardiaque en un peu soudoyant le médecin qui a fait l'autopsie. Et vous savez que Jim Morrison a été enterré quasi immédiatement, 2 jours plus tard, et on n'en parlait plus. Dans le fameux... Je suis outré, moi j'étais sûr qu'il était clean, ce gars-là, je suis choqué. Alors, le Lizard King, vraiment, lui aussi, a succombé à la surdose. Alors, dans une autre question, vous êtes prêts, tout le monde? Dans le 27 Club, ce fameux club select des gens, des rockstars qui sont morts à 27 ans, laquelle des personnalités suivantes n'en font pas partie? Alan Wilson, du groupe Canada Heat. Ron McKernan, qui s'appelait également surnom Pig Pen, de Grateful Dead. Michael Hutchins, du groupe Inexus. Ou Daryl Abbott, surnommé Dimebag. Daryl, du groupe Pantera. Selon vous, allez, on répond. On lève pas la main, on n'a pas de voyant lumineux. Jacques. Hutchins, de Inexus. Michael Hutchins. Moi, je dirais Dimebag Barrel. Dimebag Barrel? Ah, il n'est pas mort à 27 ans. Non? Vous, les progueux? Michael Hutchins, je pense pas qu'il soit mort à 27. Non plus. Là. Donc, vous avez la bonne réponse, messieurs, parce que il y avait 2 bonnes réponses sur mon choix de 4. C'est bien sûr, Michael... Oh, oui, j'ai le droit de jouer. C'est moi qui fais le quiz. Hein. Michael Hutchins, du groupe Inexus, groupe australien, est mort de circonstances assez particulières, à 37 ans, dans sa chambre d'hôtel. Et Dimebag Darrell, mort tragiquement assassiné sur scène, à 38 ans. Donc, c'est quand même des petites jeunesses. Alors, même moi, je vais avoir 40 ans, là, puis je me sens choyé d'être une rockstar pas encore décédée. Bref. Puis une anecdote, Damage Plan, qui était la formation dans laquelle il performait à cette époque-là, oui, avait joué 6-8 mois avant à Québec pour la tournée Slayer. Avec Slayer. Avec Slayer. Et ouais, où ça se passait? Où, Ring and Blood. Ça se passait du côté de... C'était à l'Agora. À l'Agora? Ouais, oui, il y a un de mes amis qui m'a dit qu'il a écouté Damage Plan puis il était parti après. Ben, le show était écœurant, mais quand ils ont fait 2 tunes de Pantera à la fin, c'était les gens chaos ont ça... total. Là. Il y avait des marées de monde qui se pitchaient vers en avant. C'était fou braque, là. Parce qu'ils voulaient du Pantera absolument, ou quoi? Exactement. Il en voulait plus. Il en voulait plus de Pantera. Ce groupe-là qui nous a quittés quand même, tristement, les chicanes ont pogné dans l'affaire, puis tout ça. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, ça commence quand même super bien. Et question de se dégorger la goutte, on a bien sûr des bières de la Barberie. Je vous offre, c'est ma tournée, tout le monde! Alors, sur ce, on est en direct au 405 3e Avenue, au Radioton de CKRL. Et on y va en musique, pourquoi pas, avec « The hottest band in the world ». Kiss! We'll be right back. Alors, c'était Kiss, bien sûr, sur les ondes du 89.1. Question d'illustrer un peu cette guerre du rock. Et justement, il y a une guerre des mots qui se passe hors d'onde et on est tous un peu notre point de vue sur Kiss. Il y en a qui disent ici autour de la table que c'est probablement le groupe le plus surestimé de l'histoire du rock. Ben, c'est pas toi qui disais ça? C'est moi. Ben, moi overrated. Overrated. Most overrated band of all time. Oui, oui, pour certains. Et pourquoi? Et pourquoi, Éric Bédard, que tu crois? Écoute, je t'avouerais que je pense que ma haine envers Kiss est surtout dirigée vers Gene Simmons, qui a une opinion sur tout, qui aimerait tout diriger. Un ego de troc, un petit peu trop. Puis tu sais, ce qui s'est passé aussi avec les anciens membres puis la nouvelle bouture, je trouve sincèrement que c'est chiant. Tu sais, au temple de la renommée, c'est pas Eric puis l'autre qui aurait dû être introduit, bien les anciens. Tu sais, il y a une game dans Kiss qui est un peu dégueulasse, puis je pense qu'il y a... La ligne s'est tracée quand ils sont tombés disco. Je pense que ça résume bien. Sur le fameux album Dynasty. Ça me rappelle une entrevue que j'avais vue. Écoute, à Solid Rock. Non, c'était d'un pays en Amérique du Sud. Tu sais, il y a des gros festivals de rock puis de métal dans cette partie du monde-là. Puis, t'as les gars de Kiss qui se pointent, tout maquillés, tout ça. Puis, la personne qui fait l'entrevue porte un T-shirt d'Iron Maiden. Ah oui! Puis les gars de Kiss, ils disent non, tu peux pas faire une entrevue avec nous autres si tu portes un T-shirt de Maiden. Tu vas enlever ça. Ils l'ont forcé à enlever le T-shirt parce qu'ils disent, mais là, ça se fait pas. Voir si tu irais-tu faire une entrevue de Kiss avec Bruce Dickinson, une entrevue avec Bruce Dickinson avec un t-shirt de Kiss. Non, c'est sûr dimensionné comme égo. Bédard. Mais Kiss, genre, Kiss, c'est de la business. C'est une grosse business. Tout est enregistré. Gene Simmons, c'est un businessman. C'est le businessman du rock. Il enregistre les droits de tout ce qui l'entoure. Ouais, même exactement. Il a essayé avec le fameux signe de doigt. Oui. Qui a été popularisé par Ron James Dio. Oui. Puis ça remonte à bien plus loin que ça. C'est sa grand-mère qui faisait ça pour éloigner le mauvais œil. Exactement. Mais, tu sais, puis Gene Simmons, il a un gros ego, oui, mais c'est un show qu'il donne. Ouais, c'est ça. C'est un show. Et ce gars-là, la question qui tue, Jacques Dulac, vas-tu aller le voir au Festitrock de Saint-Georges-de-Beauce? Pas en tout. Quoi? Je sais que t'es un fan de Saint-Georges-de-Beauce. Tu performes là. Plus qu'à tantôt. Moi, je les ai vus, Kiss. Non, sont collisés. OK. Mon local de pratique était Sainte-Marie. OK, c'est bon. Pas Saint-Jean. Voyons donc. OK. Et puis toi, Marc, tu disais qu'un de tes premiers disques que tu as acheté, c'est un disque de Kiss. Oui, Dynasty, justement, quand il était disco. Là, moi, j'avais 12 ans, ou 11 ans, je pense. Là, tu sais, c'était mes premiers 1977, disques de rock. Là, je connaissais pas encore le rock progressif. Et, là, j'avais un ami au primaire qui... aimait Kiss, là. Il y avait Kiss Alive 2, tout ça, les Destroyer, puis... C'était ouais, ça. Je trouvais ça bon, là, mais pas mal rock, là. Mes premières avancées avec le rock. Quand je les ai vus sur les plaines, là, j'ai bien vu que... Là, t'as déchanté. Il fallait rire, là, puis il fallait s'amuser quand on va voir Kiss. Mais tu sais, parce qu'il faut pas se prendre au sérieux, là. Non, c'est mais sûr. Là, je pense qu'ils l'ont prouvé en faisant l'annonce de Walmart. Oh, Ou avec un album qui ont sorti au début de 2000, Rock'n'Roll Circus. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu à cette époque-là, je les avais vus, moi. Psycho Circus, désolé. C'est à cette époque-là, je les avais vus. Moi aussi, mon premier album de rock, c'est Creatures of the Night. Ben, sais-tu quoi? Moi aussi, les gars, le premier CD que je me suis acheté de mon propre argent, c'est l'album Kiss Revenge. OK, là, on part de d'autres choses. Comment? Là, c'est des grosses révélations ici sur Kiss. Et donc, on en termine avec Kiss. Quel était le nom du groupe avant qu'ils prennent le nom de Kiss? Comment ça s'appelait? S'il y en a qui, c'est des gens qui savent dans la salle, là, vous pouvez toujours lever la main. Non. Deux pièces. Non, c'était... Ça, et là, vous allez le savoir pour tout le restant de vos jours, ça s'appelait Wicked Lester. Oui. OK. Oh my God, il peut bien rire des noms de band, lui. Hey, non, mais sérieusement, ouais, c'est ça. Moi, je pense que pour détester quelque chose, il faut le connaître par cœur. Et Kiss, j'en connais, vous. Ah, d'ailleurs, on salue Gene Simmons, oui, qui écoute présentement. Hey, là, on y va dans une autre catégorie assez bizarre, merci, parce que ça s'appelle « Dernière chanson non complétée ». Vous savez, l'histoire du rock étant et les performances devant le public sont souvent annulées pour cause d'accidents ou de... Il y a des affaires qui se passent, OK? Alors, j'ai une question pour vous. Lors du fameux spectacle au Stade Olympique, Metallica ont dû mettre fin à leur prestation en 1993. Et quelle était la fameuse chanson qu'ils ont interprétée? Et là, il y a eu un bris pyrotechnique. Fade to Black. Fade to Black. Et on se rappelle tous du... Puis James Hetfield qui a fait... Blackout! Puis, cette soirée-là, Guns N' Roses aurait pu sauver le bail, être les sauveurs de la soirée, et Axl Rose, après 3-4 tunes, « Fuck you, Montreal! » Il a droppé exactement son micro. Et backstage, il disait que c'était sa voix, et backstage, il fumait des clopes, puis il buvait du champagne. Jacques, vas-y. C'est arrivé, j'allais au cégep, puis il y avait un gars qui faisait des t-shirts. Il avait fait genre... il faisait des jeux de mots. OK. Puis il a dessiné Axl Rose... les culottes à terre assis sur le stade olympique en train de... OK. Puis il l'a appelé Axl Rose. Axl Rose. Mais il y a eu une grosse émeute après à Montréal. Oh, oui, puis le monde avait pris d'attaque les Vox Pop à Musique Plus. Puis c'était puis d'ailleurs, Guns N' Roses a été banni jusqu'à la dernière tournée qu'ils sont venus. En effet. Plus récemment, il y a 2 ans, sur les plaines d'Abraham, les Foo Fighters étaient en train de jouer quelle chanson lorsqu'ils ont décidé d'arrêter tout ça à cause de la mauvaise température? Something Everlong. Non. C'était Something from Nothing. For ou from? Non, Something for Nothing. Alors, vous pouvez aller voir ça sur sur le fameux site internet, ça s'appelle setlist.fm. Oui. Vous voulez savoir que... Tu sais, mettons, il y a un spectacle qui vient près de chez vous. Hey, c'est quoi les tunes vont jouer? Allez voir ça, c'est super intéressant. Si vous avez un groupe, puis vous voulez mettre ça sur un jour aussi. Ah oui, le fameux spectacle du 9 décembre en 1969 sur la piste de course de Altamont en Californie. Les Rolling Stones, avec plein de bands, ont fait, avec Santana, entre autres choses, et Jefferson Airplane, ont donné un concert mémorable qui a mis un clou dans le cercueil de ce fameux, cette fameuse ère des hippies de Californie, et ils étaient en train de jouer quelle chanson lorsque Meredith Hunter s'est fait assassiner par un membre des Hells Angels qui assurait soi-disant la sécurité. Oui. C'était les quoi la les chanson pour la sécurité? Et allez-y, une chanson des Stones là, ça peut être n'importe laquelle. Satisfaction, non, c'était pas celle-là. Give me shelter non plus. Out of my cloud, under my non. Get off my cloud, non? C'était bien sûr la pièce Under My Thumb. Ah. Under My Thumb, girl. Ça a été repris par Social Distortion des années par après. Under My Thumb. Alors, mais, OK. Puis dernière question avant qu'on repasse un peu, en publicité, je crois, Adam. Merci, Adam, d'un petit signe de tête. Une belle tête, d'ailleurs. Venez le voir au 405 3e Avenue. Un beau, grand, bouclé, brun, avec une barbe, là. Très à la mode. Danny me regarde avec approbation. Bonne fête, Danny. Alors, mesdames et messieurs, quelle band d'une scène indépendante des années 90 avait refusé d'ouvrir pour Metallica et Guns N' Roses au Stade Olympique à l'époque? Nirvana et Kurt Cobain n'a jamais voulu savoir, puis c'est Faith No More qui a pris le sale boulot. Et il paraît que le chanteur était pas content. Mike Patton avec lui aussi. Il était vraiment pas content, ouais. Ouais. Mais il y avait une guerre entre Nirvana et Guns N' Roses. Oui, on peut aller voir ça. C'est documenté. YouTube. Exactement. Et où même Kurt Cobain s'amusait à se moquer d'Axl Rose et son fameux Snake Move. Alors, vous avez aimé ça, mesdames? Hein? Je vous le refais pour vous. Et si vous voulez les voir, c'est au 405 3e Avenue. Ça se passe ici même, à CKRL, au Radioton. Alors, de retour, mesdames et messieurs, au 405 3e Avenue avec, bien sûr, Rush qui nous joue dans les oreilles. Une excellente pièce qui s'appelle Spirits of the Radio. C'est un peu l'influence que la radio a eue sur le groupe Rush et surtout... l'influence que la radio a sur nous. Depuis 45 ans cette année, CKRL a une influence directe sur nos quotidiens, notre vie, notre façon de penser, de voir la vie communautaire. Et ça, c'est probablement la chose dont je suis le plus fier, de faire partie de cette institution-là. J'aimerais qu'on donne un gros semaine d'applaudissements aux 45 ans de CKRL, mesdames et messieurs, cette année. 45 ans de radio libre. Indépendant, j'allais dire indépendant, mais on est un peu dépendant de vous ce week-end, puisqu'on est en période de financement avec ce fameux Radioton. On vous invite à aller voir sur notre site www.ckrl.qc.ca pour aller voir les nombreux lots d'encans qui sont disponibles. Il y a des toiles, il y a des collections de bandes dessinées, des romans, des week-ends. Champêtre, il y a des je pense on peut miser sur plein de choses. Allez voir ça, il y a 90 lots d'encans. Allez-y, misez, mesdames et messieurs. C'est ridiculement comment on dit ça? Ridiculement bas. Ridiculement bas, les prix de mise de première mise. Et vous n'avez qu'à aller voir sur le site tout au long de la du week-end. Et tout ça est mis à jour. Et puis, on peut miser en direct. Donc, allez voir ça. www.ckrl.qc.ca. Je reviens avec Rush parce que, vous savez, la question qui tue, une autre question. Qui était le groupe qui faisait les premières parties de Kiss dans les années 70? Jacques Dillac, le spécialiste de Rush. Il y a même un tatou pour le prouver. Oui, ça, c'est un peu trop facile. C'est Rush. Là. C'était Rush. Hein, en 74, 75 et 76, je crois même qu'une partie de la tournée de Curse of Steel oui, qui était dans to the Tube, qui s'appelait... Ils sont top d'avoir enduré ça trois fois. j'ai une anecdote concernant ça. Vas-y. Les gars ont fait leur première partie. Ils sont fait jouer des tours par les gars de Kiss. Quand les gars de Kiss ont embarqué sur scène, les gars de Rush sont arrivés avec des tartes à crème. Ils les ont beurrés sur scène. Il y avait de la crème partout, ce qui paraît. Hey, ça, sérieusement, je pense que je paierais cher. Je paierais au moins 42 000 piastres pour faire ça à Gene Simmons. Danny, je pars avec la cagnotte dimanche, OK? Je m'occupe de lui à Saint-Jean. Gene Simmons a payé un copyright après ça pour l'encrémage. L'entartage, on n'a plus le droit de faire ça à cause de lui. Colin! Alors, l'histoire du rock, c'est parsemé d'anecdotes, justement, des trucs comme ça. Et Rush, on parlait du groupe le plus surestimé, Kiss, et Rush, le groupe le plus sous-estimé. Parce que quand même, 40 ans, 40... Même, ils ont célébré un 50e. 50 ans, parce que le groupe s'est formé en 68. C'est ça. En même temps que Led Zeppelin, imagine. Mais le premier album est en 74. 73, un 45 tours. 74, un premier album. Et qui était John Rutsey, qui est mort en 2000... C'est le premier batteur. Le premier batteur. Donc, Neil Peart n'a pas toujours fait partie des meubles. Non. Peart, il faut dire Peart. Peart, merci. Peart. Il est arrivé en 1974, à la fin d'une tournée avec John Rutsey. John Rutsey n'était plus capable. Il a évoqué des raisons de santé, diabète. OK. Mais, de toute façon, les gars commençaient... aller vers une autre direction musicale, puis Rutsey n'aurait pas pu suivre. Puis on s'entend, le changement de cap de l'orientation musicale de Rush est vraiment, vraiment, c'est un gros virage à 180, parce que Rutsey faisait un rock qui était quand même assez carré. Très Kiss. Très Kiss. Ouais, un rock assez, ouais, c'est ça, un rock de stadium rock, si on peut dire. Mais c'était un très bon batteur. Oh, oui, quand même. Très solide. C'est juste que c'est pas une machine comme Neil Peart. Bon, ben c'est ça. Donc, ça faisait le tour un peu de Rush, parce qu'on pourrait en parler pendant... on pourrait en parler pendant encore 2 heures avec notre super spécialiste, Jacques Dillac. Une nuit au complet. Oui, ça pourquoi rappelle. Pas. Ça va venir, hein? Pourquoi pas l'année prochaine? À l'autoroute, ça serait bien de voir ça. C'était une idée que j'avais avancée pour cette année, parce que ça faisait 50 ans cette année. L'année prochaine, on se garantit. Parle-en au président, là, tu vois. Hey, une question. On va y aller avec une autre question dans un autre registre. Pourquoi pas y aller dans la musique québécoise? Ces dernières années, au Québec, on a célébré le 40e anniversaire de 2 albums prog au Québec. Quels sont-ils? Leptade. Leptade, oui. Leptade. Et le deuxième, je pense, c'est l'anniversaire 7 semaines. On a vu ça? Fiori Séguin. Fiori Séguin, en effet. Comment? Fiori Séguin, 200 nuits à l'heure. 200 nuits à l'heure. Et toi, Marc, comment tu le trouves, cet album-là? Ouais, ben, écoute, 200 nuits. Alors, oui, pour le Québécois, là, c'est un bon album de rock, là. Surtout que ça rassemblait Fiori puis Séguin dans un rock qui était différent de ce qu'ils faisaient dans leur formation respective, là. Et tu sais que Fiori a terminé l'album seul parce que Séguin était plus capable de l'endurer. Ça, c'est non, une rumeur. Mais je sais qu'il y avait Michel Rivard qui était supposé être là au départ, puis qu'ils ont lâché parce que capable de Fiori. Peut-être. Tu sais que le groupe Harmonium s'est dissous à cause qu'il était plus capable de Fiori non plus. Hey, j'aimerais ça qu'on invite Serge Fiori, mesdames et messieurs. Je sais pourquoi ça marchait pas. Oui, bon, Jacques, t'as une théorie là-dessus. Ben oui, il y avait de la fioriture. Oh! OK. OK, donc on y va encore avec question. Compte en commun, la revue Cro, Bon Dommage et Offenbach. 3 affaires. OK? Red Ketchup. Hey. Charles Léger. Non, comment? T'es pas loin. T'es Pierre pas loin. Huet. Pierre Huet. Pierre Huet. Ouais. Pierre Huet a été rédacteur en chef du magazine Crow, a été parolier pour Bon Dommage et également Offenbach. On lui doit les meilleures paroles qui ont été chantées par Gérald Boulet, mieux connu sous le nom de Jerry. Jerry. Hey, Jerry! Et là, celle-là, c'est Throwback 1993, encore une fois. Une année charnière dans l'histoire du rock au Québec. Quels sont les trois groupes québécois à faire la tournée Rock le lait? OK, on y va. Je savais qu'il y en aurait une de même. Non, c'est ça, on s'en met en contexte. OK? Rock le lait en 1993. On va dire les bébés. Non! Vilain pingouin. Vilain pingouin, oui! Yeah! Un autre, là. Un excentrique, là. Jean Leloup? Oui! Et une autre, là. Une fille avec des croyances douteuses de nos jours, là. Oui, France d'amour, c'est... Oh my God! Hey! Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et oui, c'est Scientologie, elle, c'est oui, vrai? C'est ça. Ah, bon. Et qui chantait le jingle des annonces de Le Lait dans les années 90, mesdames et messieurs? Non, c'était pas Mitsou. Non, Mitsou... Brathwaite. Était trop occupé. Brathwaite? C'était pas Brathwaite. Non. Non, mais... Il y a Rock Voisine. Rappelez-vous Rock Voisine? Non, il était en dessous d'un gazebo puis il chantait la pomme à une gang de jeunes là, avec des berlingots. Ça aussi, c'était douteux. Alors, mesdames et messieurs, on est à la gare du rock. On part en petit bout musical. On est rendu à... Oh oui, on parlait de rock québécois. Pourquoi pas avec Je lâche pas. On lâche pas de donner à ce Radioton de CKRL. On t'a rendu à 6 500. On est capable de péter le 42 000 d'ici dimanche. Alors, on a besoin de vos dons. Mesdames et messieurs, au 405 3e Avenue, c'est là que ça se passe. Il y a un band de blues qui sont en train de se tuner en arrière de moi. Il y a des spécialistes de rock, une foule incroyable, de la bière, tout, des disques à vendre, tout ça à contribution volontaire et prix donné nécessairement. Et on a aussi des lots à l'encan. Allez visiter ça au www.ckrl.qc.ca. D'ici là, en musique, mon Simon. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Alors, de retour, mesdames et messieurs, 405, 3e avenue pour la guerre du rock avec des membres de Terra Incognita, Prescription Punk Rock, Jacques Dulac des illusions auditives, François Simard, alias Nicolas T'as Dumont. Fait par exprès, mon snoro. Alias Nicolas Dumont, des salopards. Des salopards. Allez, go! Là, c'est le moment où je me permets de prendre un petit moment avec vous pour nous parler de certaines de vos émissions. Question de me parler un peu, de donner l'intérêt à nos auditeurs de vous écouter. Je sais que vous écoutent. Si moi, je vous écoute, les auditeurs vous écoutent, OK? On parle de même. Alors, toi, vous étiez anciennement des bâtards à l'automne. Vous êtes devenus des salopards à l'hiver. Oui. C'est à cause de toi qu'on a eu une tempête à Sti la semaine passée? Oui! Non. C'est full métal, une tempête au mois d'avril, tu trouves pas? Mais hein. Ben oui, on a changé de registre assez radicalement, les bâtards. Avant, on était du folk, trash. Ben, rockabilly, western country, puis là, on est rendu dans le métal. On a fait un changement drastique de registre. Puis on a aussi, on est rendu, après Prescription Punk Rock, on ferme les lundis soirs. Vous faites du métal? Oui, avec des petites berceuses comme pour bien s'endormir. Comme s'il n'y avait pas assez de métal à CKRL, il y en a assez... Vous avez dit, il y en a assez le vendredi, nous on va faire ça le lundi. Ben oui. On va faire la boucle. Oui, tu commences la semaine, tu finis la semaine en métal. Il me semble que ça va de soi. Mais tu sais, on vient d'entendre quelqu'un qui n'est pas un puriste, là, parce que n'importe quel puriste va te dire que les choses sont totalement différentes de métal à CKRL. Exactement. Puis toi, mon puriste du punk rock qui a un éventail assez large, toi, cette année, tu encore une fois, est-ce que tu es toujours dans l'entourage du Rockfest à Montebello? Yes, toujours sur la promotion du Rockfest. Cette année, on a une autre grosse édition. On invite bien sûr les gens à vous procurer des billets. Prescription Punk Rock va célébrer les 10 ans en septembre. Déjà 10 ans pour PPR. Puis on fête la 500e cette année aussi. Fait qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent, mon cher Grondin. Puis les salopards sont juste après nous autres. Puis ça torche ensemble. Alors, les lundis, punk rock, metal, c'est Psychobilly, un... avec les délinquants juvéniles aussi. Et puis d'ailleurs, pour faire une plug, on va être demain de 8h à 11h, ici même pour la Radioton, pour une émission spéciale. Vous êtes tous invités, venez donner généreusement. Fidel Fiasco va être live. On va avoir Johnny Junior and the Cyclone. On a les Melvis and the Jazz Cats. Fait que grosse soirée. Yes, c'est demain que ça se passe, ici même au 405 3e Avenue. Jacques Dulac, Jean-François, Marc, respectivement de Illusion Auditive et de Terra Incognita. Terra Incognita, encore une fois, on réitère une autre tradition à Québec seulement. Festival de musique progressive avec quand même une programmation assez européenne, si je peux dire. Oui, il y a des groupes de la Norvège puis de la Suède. Mais il y a aussi des groupes québécois. Il va y avoir Madriade de Montréal. Il va y avoir aussi un hommage à Pink Floyd avec un groupe de Montréal aussi. Okay, mais on a Circus. Attends un petit peu, là, je t'arrête tout de suite. Quelle époque de Pink Floyd? L'époque Final Cut ou l'époque... Non, avant ça. 72-79. OK, The Golden Years. Wow, moi, j'aimerais ça entendre The Final Cut, là. What happened? Ouais, ben disons que... Non. Moi, j'aime mieux entendre Animals, ça. Mais... Oui, c'est ça, ouais, 77, exactement. Donc, ça se passe du côté de... Ça se passe au Centre d'art La Chapelle. Exact. C'est les 18, 19 et 20 mai. Exactement. C'est le 18 mai, le vendredi, qu'il y a l'hommage à Pink Floyd, Time for Pink Floyd. Puis le samedi, il y a justement Circus puis Amadriade, qui sont des groupes du Québec. Oui. Et de la Suède, Wobbler. Et le dimanche, il y a le groupe Moon Safari, qui est un très bon groupe vocal aussi, progressif vocal, mais avec des harmonies vocales assez uniques dans leur genre. Moi, je compare ça à quelque chose entre Crosby, Stills, Nash & Young et Beach Boy, pour ce qui est des vocaux. Oui, puis je pense que tu as tout à fait les bons groupes appropriés pour nous parler de ces arrangements vocaux qui étaient quand même de grosse qualité. Les Beach Boys qui ont toujours été un peu dans l'ombre des Beatles, mais... De ce côté-là, les Beatles s'en sont inspirés. Et oui. Crosby, Stills, Nash & Young, toujours super le fun d'entendre ça. Oui. Merci beaucoup, Terra Incognita. Ça se passe les samedis soirs. Ben oui, on est en sandwich finalement entre Jacques, les Illusions Auditives, puis Vincent, puis l'autoroute. Alors, Jacques, des Illusions Auditives, toi aussi, ça se passe encore tous les samedis. Et même une semaine sur deux, vous vous occupez de l'autoroute? Oui, on fait une rotation. On est trois animateurs, l'autoroute. Stéphane Villeneuve, Vincent Delille, puis moi. Puis, c'est ça. Moi, je le fais environ une fois par mois. Parfait. J'ai une dernière question pour vous, et là, je lance terriblement un pavé dans la mare au niveau du rock. OK, selon certains puristes, en quelle année exactement est mort le groupe Genesis? Est-ce que c'est en août 1975, le départ de Peter Gabriel? Est-ce que c'est en 1977, le départ de Steve Hackett? Ou en 1985, la parution de l'excellent album, à mon avis, de Invisible Touch? Alors, on passe avec Marc Chaunet, s'il vous plaît, spécialiste du prog. Ben, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants, c'est ça. C'est juste qu'ils font plus chaud. Heureusement. Toi, Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime toutes les périodes. T'aimes toutes les périodes? J'aime toutes les périodes. Ça dépend comment je file. Mais j'ai... C'est juste que des fois, there must be some misunderstanding. C'est ça? Mais j'affectionne beaucoup Trick of the Tail. Comment? Trick of the Tail. Avec Trick Phil of Collins. The Tail, oui. Le premier avec Phil Collins. J'adore cet album-là. Cet album-là, un peu... Moi, je pense que c'est l'album Réconciliation. Je pense que les gens qui sont les puristes, là, qui amateurs de Peter Gabriel, là, puis de l'entendre lirer là, pendant trop longtemps... Excusez, moi, je n'ai jamais été capable de fredonner une toune de l'époque avec Gabriel. Mais cet album-là, Trick of the Tail, c'est le premier album où on a une sorte de mélodie un peu plus constante. Et c'est moins une découverte à chaque fois. Bien, l'album est plus concentré. C'est comme le meilleur de tout ce qu'ils ont pu faire avant. Mm. Puis ils l'ont comme concentré dans des pièces plus courtes. C'est ça, je trouve, Trick of the Tail. C'est vraiment le meilleur du groupe. Puis toi, Alicia, quelle époque tu penses? 75. Ah ouais, hein? Ah ouais, 1975. Gabriel est parti? Oui. Hell yeah! Alors, mesdames et messieurs, la vérité sort de la bouche des enfants. C'était Alicia, bien sûr, Bédard. Mesdames et messieurs, je remercie mes collaborateurs, Nicolas Dumont, Jacques Dulac, Éric Bédard, Jean-François, comment, non? La mort. Désolé. Nicolas. Non. Allez, Marc Chaunet. Et moi-même, Jean-Sébastien Grondin, je me remercie moi-même. C'est n'importe quoi. C'est nous qui t'en remercions, mon cher Grondin. Congratulations, yes. À CKRL. Et merci, messieurs. Merci beaucoup, cher public! Merci, Ali. Sans toi, je l'aurais pas eu. C'était la gaz du rock, volume 2. Merci beaucoup à la régie. Merci à Simon, à la technique. Mesdames et messieurs, on termine. On s'en va en blues dans quelques instants avec Michel Dubois, le meilleur animateur de blues au Canada. Et on finit avec une exclusivité avec Jimi Hendrix de son dernier album, Both Sides of the Sky, Managed Boy. Woo! Everything's gonna be alright this morning. All right. Hey, when I was a young boy, at the 85, I had fever in my pocket, people out of vocal line. sense matter.